L'ascension est longue. Et voilà. Longue okay. Ascension. C'est celle qui mène à Dieu. Des espoirs de bonheur. Il suffit de baver. Yeah. Yeah.